Elle ne paraissait ni plus tranquille, ni moins timide que moi. Troublée de me voir là, interdite de m'y avoir attiré, et commença à sentir toute la conséquence d'un signe, parti sans doute avant la réflexion, elle ne m'accueillait ni ne me repoussait. Elle n'ôtait pas les yeux de dessus son ouvrage. Elle tâchait de faire, comme si elle ne m'eût pas vu à ses pieds. Mais toute ma bêtise ne m'empêchait pas de juger qu'elle partageait mon embarras, peut-être mes désirs, et qu'elle était retenue par une honte semblable à la mienne, sans que cela me donnât la force de la surmonter. 5 ou 6 ans qu'elle avait de plus que moi devaient, selon moi, mettre de son côté toute la hardiesse, et je me disais que puisqu'elle ne faisait rien pour exciter la mienne, elle ne voulait pas que j'anusse. Même encore aujourd'hui, je trouve que je pensais juste, et sûrement elle avait trop d'esprit pour ne pas voir qu'un novice tel que moi avait besoin non seulement d'être encouragé, mais d'être instruit. Je ne sais comment eut fini cette scène vive et muette, ni combien de temps j'aurais demeuré immobile dans cet état ridicule et délicieux si nous n'eussions été interrompus. Au plus fort de mes agitations, j'entendis ouvrir la porte de la cuisine qui touchait la chambre où nous étions, et Madame Basile, alarmée, me dit vivement, de la voix et du geste, « Levez-vous, voici Rosine. » En me levant en hâte, je saisis une main qu'elle me tendait et j'y appliquai 2 baisers brûlants, au second desquels je sentis cette charmante main se presser un peu contre mes lèvres. De mes jours, je n'eus un si doux moment. Mais l'occasion que j'avais perdue ne revint plus et nos jeunes amours en restèrent là. C'est peut-être pour cela même que l'image de cette aimable femme est restée empreinte au fond de mon cœur en traits si charmants. Elle s'y est même embellie à mesure que j'ai mieux connu le monde et les femmes. Pour peu qu'elle eût eu d'expérience, elle s'y fut prise autrement pour animer un petit garçon. Mais si son cœur était faible, il était honnête. Elle cédait involontairement au penchant qui l'entraînait. C'était, selon toute apparence, sa première infidélité, et j'aurais peut-être eu plus d'affaire à vaincre sa honte que la mienne. Sans être venu là, j'ai goûté près d'elle des douceurs inexprimables. Rien de tout ce que m'a fait sentir la possession des femmes ne vaut les 2 minutes que j'ai passées à ses pieds sans même oser toucher à sa robe. Non, il n'y a point de jouissance pareille à celle que peut donner une honnête femme qu'on aime. Tout est faveur auprès d'elle. Un petit signe du doigt, une main légèrement pressée contre ma bouche sont les seules faveurs que je reçus jamais de Madame Basile, et le souvenir de ces faveurs si légères me transporte encore en y pensant.